Nous sommes en compagnie de Clément Broche, qui est étudiant au doctorat en histoire à l'UQAM et en sciences politiques à l'Université Laval, et dont les recherches actuelles portent sur les relations entre la Chine et l'Afrique de 1949 à nos jours. Mais Clément est avec nous aujourd'hui pour parler de son plus récent livre qui a été paru en novembre 2025 aux presses de l'Université Laval. C'est un livre qui est intitulé Mao, Panthère noire et tigre de papier, la Chine communiste et le Black Panther Party de 1966 à 1972. C'est un livre qui traite des solidarités entre la Chine communiste et le Black Panther Party dans le contexte de la lutte pour les droits civiques aux États-Unis et dans le contexte plus global de la guerre froide. Alors tout d'abord, merci Clément d'être avec nous aujourd'hui et bienvenue à l'émission. Et je te laisse donc d'entrée de jeu prendre quelques minutes pour nous présenter ton livre Mao, Panthère noire et tigre de papier. Bonjour Karl et merci pour l'invitation. Oui, allons-y pour présenter un peu plus en avance ce livre que tu viens rapidement d'introduire. Tu le disais, publié donc aux presses de l'Université Laval en novembre dernier. Et un livre qui s'intéresse alors à la Chine de Mao, hein, dans une période. Alors, je me concentre beaucoup sur les années 60 et même sur la fin des années 60, puisque on peut considérer que ce fameux Black Panther Party, fondé en 1966, la fin, alors c'est pas la véritable fin, le parti va se maintenir au moins aux États-Unis pendant les années 70, mais à partir de 72, la grande période, hein, du mouvement est terminée. Donc je me concentre sur cette période-là. Et alors des travaux sur la Chine communiste dans ces années-là, il y en a légion. Encore que dans ce cadre de la guerre froide, la place de la Chine a été redéfinie finalement assez récemment, on peut considérer, au niveau de l'historiographie, puisque c'est avec l'avènement, je dirais, de l'histoire globale, et notamment dans le monde anglophone, hein, aux États-Unis, beaucoup, qu'on va essayer de repenser la guerre froide. Juste mentionner aux auditeurs quelques ouvrages de référence, mais on a un livre qui paraît en 2001 d'un historien chinois dans des presses universitaires américaines. L'auteur s'appelle Chen Jian et en 2001, il publie Mao's China and the Cold War, dans lequel finalement il a eu accès à des sources qui se sont ouvertes en Chine dans les années 90 et il va complètement repenser le rôle de la Chine dans la guerre froide. En fait, pendant longtemps, le discours a été de dire, bah, la Chine de Mao était extrêmement fermée sur elle-même, et lui vient de démontrer que c'était absolument faux, et c'est une première étude qui va faire date en la matière. Après, on va avoir l'historien norvégien, hein, Odd Arnwestad, qui lui, en 2007, publie The Global Cold War, et là, vraiment, il fait un travail majeur, et c'est dans la continuité, hein, des travaux de Westad que j'ai inscrit mes recherches, c'est-à-dire que, comme son titre l'indique, il va penser la guerre froide de manière globale. Et ce qui est intéressant, c'est que auparavant, les pays du sud global, hein, ce qu'on appelle aujourd'hui le sud global, ce qui à l'époque s'auto-désignait par le terme de tiers-monde, ben, pendant très longtemps, ces pays du tiers-monde étaient considérés comme des terrains sur lesquels donc s'étaient affrontées les deux superpuissances, qui étaient les États-Unis et l'Union soviétique. Et Westad, lui, nous montre finalement que pas du tout, et il redonne de l'agentivité à ce sud global, à ce tiers-monde dans cet ouvrage, pour montrer que finalement, eux aussi avaient leur propre agenda, eux aussi ont cherché à faire avancer donc leur propre agenda politique et n'étaient pas simplement donc des victimes passives de l'affrontement entre les deux superpuissances. Donc c'est vraiment dans ce contexte large, hein, de guerre froide globale, moi, que j'ai inscrit mon ouvrage. Et pourquoi cet axe, finalement, alors tu le disais, hein, le Black Panther Party, qui est une étude de cas, mais plus largement, je réfléchis aux relations, au soutien, aux solidarités que la Chine communiste a exprimées à l'endroit du mouvement pour les droits civiques. Et finalement, de se poser cette grande question, pourquoi la Chine, quel a été l'intérêt de la Chine de soutenir la cause afro-américaine, notamment dans les années 60? Et ça, pour le comprendre, bah, il faut revenir, mais très rapidement, sur Alors, un long processus historique hein, pendant la guerre froide qui est celui de la rupture sino-soviétique. D'accord? Comprendre que finalement, les deux grands leaders du monde communiste à l'époque, l'URSS et la Chine, vont avoir des relations qui vont se tendre toujours plus en avançant dans les années pour finalement arriver à une véritable rupture à la fin des années 60. Même on peut considérer au début, dès 63, on peut considérer que la rupture est consommée. Le point culminant sera 1969, où on va avoir des affrontements frontaliers hein, entre la Chine et la Russie, autour donc d'îles qui se situent sur le fleuve Amour qui constitue la frontière hein, finalement entre l'URSS et la Chine, qui se trouve donc au nord-est de la Chine. Finalement, avec cette rupture sino-soviétique, et en parallèle, ce sud global que j'évoquais tout à l'heure, qui va prendre conscience de lui-même et se définir, notamment à travers un grand événement. En 1955, nous sommes en Indonésie, l'Indonésie récemment indépendante, dirigée à l'époque par Sukarno. Il se tient une conférence, la conférence de Bandung, et on considère que cette conférence d'avril 1955 constitue l'acte fondateur du tiers-monde. Pour la première fois, le tiers-monde, le Sud global, se pense lui-même comme une alternative ou comme une troisième voie aux voix de ces deux superpuissances que sont les États-Unis et l'URSS. Et à partir de là, à partir de 55, Mao va ambitionner le fait de diriger ce fameux tiers-monde, de prendre le leadership de ce fameux tiers-monde. Le tiers-monde, bah, ça comprend le monde asiatique, le monde africain essentiellement, mais alors donc, pourquoi la cause afro-américaine? Parce qu'aux États-Unis, on a certains militants, alors, parmi les plus radicaux. Il faut bien comprendre que ce n'est pas nécessairement représentatif de l'ensemble des militants de la cause pour les droits civiques à l'époque, mais certains militants, parmi les plus radicaux, vont définir finalement les populations afro-américaines comme des populations colonisées de l'intérieur et vont chercher à rattacher la lutte des afro-américains aux États-Unis à une grande lutte internationale et internationaliste, la lutte du tiers-monde. Et à partir de là, on comprend bien que dès le moment où ces activistes afro-américains s'associent à la cause tiers-mondiste et à la lutte du Sud global, ben, ils deviennent un enjeu pour le régime chinois qui, lui, ambitionne, prétend à diriger ce Sud global. Et c'est ce qui va amener donc le régime chinois, Mao en tête, à prendre fait et cause pour donc la cause afro-américaine. Finalement, Mao, il va faire deux discours en faveur de la lutte des Afro-Américains. Le premier en 1963, et ce premier discours en 1963, en août 1963, il le prononce après avoir été sollicité justement par un de ces militants radicaux afro-américains qui s'appelle Robert Williams, qui en 62 envoie une lettre aux grands dirigeants justement du Sud global pour leur demander de prendre officiellement position vis-à-vis de la cause des Afro-Américains. Et lorsqu'il envoie cette lettre en 62, Robert Williams, il est à Cuba, il est en exil à Cuba parce qu'il est recherché aux États-Unis pour son activisme. Et notamment, Williams, ça va être le premier à prôner aux États-Unis l'idée de l'autodéfense pour les Afro-Américains, d'accord? L'idée de s'armer et d'une lutte violente. Les Black Panthers, hein, qui, je le disais tout à l'heure, sont fondés en 1966, vont être largement inspirés donc par les idées de Robert Williams et cette idée donc d'autodéfense. Donc Mao, premier discours en 1963. Deuxième discours en avril 1968, après la mort de Martin Luther King. Donc ça, c'est finalement cette volonté chinoise hein, de l'expression, mais gagner le cœur et les esprits, ou en tout cas rallier à la cause de la révolution chinoise ces activistes afro-américains. Du côté du Black Panther Party, hein, peut-être plus précisément, on a deux fondateurs du nom de Bobby Seale et Huey Newton, qui finalement, en fait, les références à Mao, ils ont beaucoup écrit, hein, tous les deux, plusieurs ouvrages, mais aussi l'ensemble des cadres du Black Panther Party nous a laissé beaucoup de sources, et les références à Mao sont innombrables, d'accord? Mao est parmi L'ensemble de leurs figures tutélaires et de leurs inspirations révolutionnaires, Mao est celui qui tient la place. Mao et la révolution chinoise, ou en tout cas une version fantasmée hein, de ce qu'est la révolution chinoise, tiennent la place prépondérante dans ce qui va amener hein, à constituer l'idéologie du parti. Un élément qui relève peut-être de l'anecdote, mais qui est assez signifiant, c'est que lorsqu'ils fondent le parti, hein, les deux en 66, pour financer le mouvement à ses débuts, et financer le mouvement, c'est notamment acheter des armes pour donc réaliser leur patrouille d'autodéfense. Donc eux mènent des patrouilles dans les ghettos noirs américains pour prévenir donc les bavures policières. Et dans le cadre de ces patrouilles, ben, ils se promènent fusil en bandoulière, comme l'autorise finalement la loi aux États-Unis. Pour acheter ces premières armes, les Black Panthers vont vendre le petit livre rouge à la sortie des universités américaines. Et donc, c'est un élément très signifiant de voir que ben, Mao et sa pensée sont là dès la fondation du parti. Je vois que le temps file et file rapidement. Juste un petit mot sur un troisième personnage éminemment important au sein de ce Black Panther Party. Il s'appelle Eldridge Cleaver. Lui rejoint le mouvement en avril 1967. Il vient de sortir de 10 années de prison et il est déjà connu aux États-Unis puisque, alors qu'il était emprisonné, hein, il a publié un ouvrage, Solemn Eyes, qui a fait sensation justement auprès des intellectuels de la nouvelle gauche américaine. Donc lui, son nom est identifié, hein, dans le paysage américain, et lui va être celui qui va porter la dimension internationaliste du mouvement. Et dès son intégration au parti, il fonde le journal du parti, le Black Panther Party, qui en fait va être l'outil de diffusion hein, de ses volontés internationalistes du mouvement. Et alors là, quand on lit le journal, je veux dire, les références à Mao, là aussi, sont innombrables. Et d'ailleurs, on a Cleaver qui nous dira ceci hein, dans un des ouvrages, lui aussi, qui va publier. Il nous dit, en 1969, le journal était saturé de slogans maoïstes et à la gloire de la révolution chinoise. Alors, j'arrive déjà au terme de ces 10 minutes qui m'étaient imparties. Il m'aurait resté à parler un peu des relations qui vont véritablement se nouer entre les Black Panthers et la Chine à partir de 1969, mais on pourrait l'évoquer dans le cadre de notre discussion qui va suivre, mon cher Karl. Ah, mais parfait. Merci Clément. Ben, en fait, il y a beaucoup de choses là, qui restent encore à aborder. J'ai lu le livre, là, comme je t'avais dit. J'ai beaucoup apprécié justement cette lecture, là. C'est un livre qui est très bien écrit. Le style narratif, il est analytique, il est rigoureux, mais aussi c'est très dynamique et ça rend la lecture là, captivante. Donc, t'as parlé, là, t'en as parlé brièvement. Les fondateurs là, qui vendaient des petits livres rouges sur les campus américains, j'ai trouvé ça très intéressant comme moment de voir en fait la nouvelle gauche américaine des grands campus américains qui achetaient ces petits livres-là pour financer les armes du Black Panther Party. Ben, sur cette question-là aussi, sur le lien entre la pensée de Mao et la création du Black Panther Party, je vais citer un bref passage là, de ton livre que j'ai bien aimé sur ça. Tu disais donc que la pensée de Mao, au-delà de sa seule dimension révolutionnaire, joue un rôle essentiel pour les Black Panthers en servant la création d'un vocabulaire commun. Si tu veux revenir un peu sur cette fonctionnalité du petit livre rouge et de l'idéologie révolutionnaire dans le mouvement qui s'organise, je pense que c'était quelque chose qui était extrêmement important pour les Black Panthers d'avoir cette idéologie-là au service de cette cause commune. Très important de l'avoir pour l'idéologie, mais on pourra prolonger la réflexion dans le mode d'organisation même du parti, avec notamment la question de l'autocritique. On va procéder hein, à, pas des séances de lutte, mais en tout cas, à amener les membres du parti qui vont diverger de la ligne officielle du parti. Ben, ils vont être réprimandés, et ils vont devoir faire leur autocritique. Donc, on va emprunter aussi dans le mode de fonctionnement du régime chinois pour l'organisation du parti. Sur la question de la pensée, bah, j'ai une petite citation sous les yeux, hein, qui n'est pas de moi, qui est de Bobby Seale, donc l'un des deux fondateurs du mouvement, qui nous dit ceci. Alors, moi, Yui et les frères de l'organisation centrale avons utilisé les livres rouges et les avons diffusés dans toute l'organisation, parce que Yui tenait à ce que les principes révolutionnaires cités de manière si concise dans le livre rouge soient appliqués chaque fois qu'il le pouvait. Lorsque le livre disait les Chinois du Parti communiste, Yui disait remplacer cela par le Black Panther Party, remplacer les Chinois par les Noirs. Lorsqu'il voyait un principe particulier énoncé en termes chinois, il le modifiait pour qu'il s'applique à nous. Nous savions qu'au début, les armes seraient plus utiles pour attirer les frères du quartier, mais ensuite, nous leur avons enseigné le petit livre rouge. Donc on voit bien là cette idée d'utiliser véritablement hein, cette rhétorique qu'on trouve dans les pages du livre rouge pour construire finalement cette rhétorique commune à l'ensemble des membres. Et d'ailleurs, on a d'autres cadres, hein, je pense notamment à Helen Brown, qui elle aussi va écrire un ouvrage dans lequel elle explique c'était obligatoire de lire le petit livre rouge. Tous les nouveaux entrants qui adhéraient au mouvement devaient lire le petit livre rouge et on devait être capable, bah, comme dans la grande période en même temps en Chine, hein, de la révolution culturelle, on devait être capable de citer à l'envi le petit livre rouge. On a, alors, c'est pas l'objet de mon étude, mais c'est peut-être intéressant pour les auditeurs de mentionner que la deuxième grande source d'inspiration des Black Panthers et le deuxième ouvrage de référence, là aussi, qu'il était obligatoire de lire pour tous les membres du mouvement, c'était Frantz Fanon et les Damnés de la Terre, avec là aussi tout un imaginaire autour de la révolution algérienne. Mais oui, la construction, hein, de ce vocabulaire révolutionnaire commun à l'ensemble des membres du parti. J'ai une question peut-être plus générale sur le lien entre le mouvement des droits civiques et le Black Panther Party, en particulier sur l'appréciation à l'égard du socialisme de la Chine. Dans la première partie du livre, bon, tu parles des précurseurs, entre autres W.E.B. Du Bois qui s'est rendu en Chine, Paul Robeson qui se sont rendus en Chine avant 1949. En fait, ma question, c'était, dans le mouvement des droits civiques, est-ce que l'attrait pour la Chine, est-ce que l'attrait pour le socialisme était généralisé même dans les années 60? Est-ce qu'il y avait, par exemple, des acteurs du mouvement des droits civiques qui s'opposaient justement à cette affiliation-là avec la Chine communiste dans le contexte des années 60? Ou est-ce que c'était une attirance qui était généralisée. Et de l'autre côté, est-ce que la Chine a entretenu des liens avec d'autres acteurs des mouvements civiques, du mouvement pour les droits civiques, qui ne sont pas le Black Panther Party, après les années 60? Alors, pour la première partie, non, puisque si on prend, pour répondre simplement, non, puisque si on prend le Martin Luther King, hein, et le grand mouvement, hein, et la non-violence que prônait Martin Luther King était très loin, hein, des idéaux socialistes, et qui plus est, des idéaux socialistes révolutionnaires et radicaux chinois. Donc, cette attirance, hein, pour le modèle chinois, elle se retrouve vraiment chez les franges les plus radicales. Tu évoquais le cas de Du Bois et c'est très signifiant parce que Du Bois, qui est l'un des pionniers hein, de la cause afro-américaine, qui fonde la NAACP dès 1909 aux États-Unis, Du Bois n'embrasse la cause socialiste qu'à la fin de sa vie. Et il l'embrasse notamment sous l'influence de sa dernière épouse, Shirley Graham Du Bois, qui, elle, est convertie aux idéaux socialistes depuis longtemps. Du Bois se rend en Chine la première fois en 1936 et il va rencontrer des dignitaires du régime républicain et nationaliste de Chiang Kai-shek. Là aussi, hein, il en parle dans son autobiographie. Il explique que il exposait les problèmes auxquels étaient confrontés les Noirs aux États-Unis, mais il n'y a pas du tout encore à cette époque-là d'adhésion aux idées socialiste. son deuxième voyage, où il va séjourner pendant 2 mois en Chine en 1959, avant ces 2 mois passés en Chine, Du Bois passe un long moment également en URSS. Donc, il n'y avait pas nécessairement une adhésion pleine et complète uniquement au modèle chinois encore pour un personnage comme Du Bois, encore que lorsqu'il est en Chine, hein, pendant cette année 1959, il fête ses 91 ans. Donc, il est au soir de sa vie. On a une grande fête qui est organisée à l'université de Beijing, hein, avec des officiels du régime. Et là, il va prononcer un discours quand même qui s'appelle China Africa, qui, pour le coup, là, est une véritable diatribe contre le régime américain et l'impérialisme américain, et dans lequel, surtout, il postule l'idée, donc, d'une lutte du tiers-monde, qui devrait se faire sous l'égide chinoise. Donc là, on voit que on commence à avoir cette bascule qui s'opère. Il y a une chose qui est importante aussi, que j'ai pas évoquée dans ma présentation, mais c'est l'idée que avec cette volonté, hein, chinoise de prendre le leadership du Sud global, on va avoir, parce que moi c'est ce que j'ai étudié, hein, le discours politique du régime, on va avoir un changement dans la rhétorique du régime. Et en fait, au début des années 60, hein, avec l'avènement de la rupture sino-soviétique, on a une bascule qui s'opère. Et là où le régime nous parlait auparavant de lutte des classes, hein, donc un régime socialiste, communiste qui nous parle de lutte des classes, c'est assez évident, on va basculer dans un nouvel argumentaire autour de la lutte des races. Finalement, le régime chinois redéfinit la guerre froide et nous dit, en somme, ben, finalement, on a renvoie dos à dos, bloc de l'Ouest, bloc de l'Est, et nous dit, on a deux impérialismes. Un impérialisme américain, un social-impérialisme soviétique. Qu'ont en commun ces deux impérialismes? Ce sont des impérialismes blancs qui oppressent, qui ça, le tiers-monde qui est l'ensemble des populations de couleur. Et à partir de là, le régime chinois nous dit, finalement, c'est pas une lutte des classes, c'est une lutte des races. C'est les impérialismes blancs contre le tiers-monde et les populations de couleur. Nous, Chinois, nous sommes un peuple de couleur. Nous, Chinois, nous avons, tout comme vous en Afrique, connu, ou tout comme vous, Afro-Américains, connu l'expérience de la colonisation. Nous sommes la grande puissance du tiers-monde. Nous sommes les plus à même de diriger cette lutte. Et ça, c'est fondamental. Et on voit que Du Bois en 59 se rattache à ça dans son fameux discours China Africa. Donc, pour revenir à ta question, non, on n'a pas une adhésion de la part de l'ensemble des activistes afro-américains, d'une part au socialisme tout court, hein, ou au communisme dans sa version la plus large, mais encore moins à la version chinoise. Pour ce qui est d'un soutien chinois plus tardif, mais ça, c'est finalement, un peu les conclusions de mon ouvrage, mais c'est de voir que derrière cette solidarité affichée, hein, de la Chine communiste à la lutte des Afro-Américains, finalement, les Chinois cherchent d'abord et avant tout à faire avancer leur propre agenda politique. Et j'en parlais tout à l'heure dans ma présentation, 1969, cet affrontement frontalier entre la Chine et la Russie fait que Mao va chercher à repositionner la Chine sur la scène internationale. Finalement, il comprend qu'il ne peut pas lutter et à la fois contre les Soviétiques et à la fois contre les Américains. En 69, l'ennemi pour la Chine, c'est clairement les Russes. Et à partir de là, en fait, va débuter un processus de rapprochement, de normalisation, hein, des relations entre la Chine communiste et les États-Unis. Ce processus, il aboutit en février 72 à la rencontre entre Nixon et Mao. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que à partir de 69 et cette volonté d'un rapprochement avec le régime américain, eh bien, on voit progressivement cette question de la cause afro-américaine disparaître du discours politique du régime. Et notamment, moi, j'ai étudié un journal, hein, qui s'appelle le Peking Review, qui est une publication en anglais, qui est donc un outil de propagande, hein, du régime pour diffuser la voix du régime à l'international, notamment en Occident, mais aussi dans le tiers-monde, et on a beaucoup d'articles consacrés à la cause afro-américaine pendant toutes les années 60, et on voit que ce sujet, en fait, disparaît complètement. On en a beaucoup moins en 69, et en 70, il n'est plus présent dans les pages du journal. Donc, cette solidarité qui va s'exprimer, elle va être extrêmement éphémère, et dès lors que l'agenda politique chinois va changer, ben, Le soutien à la cause afro-américaine n'est plus à l'ordre du jour et ce qui est important, c'est d'opérer ce rapprochement, cette normalisation des relations avec les Américains. C'est une question qui est extrêmement importante, justement, ce rapprochement avec les États-Unis. Brièvement, sur Du Bois, tu mentionnais, ben, je te mentionnais des choses, là, justement, que j'avais apprises qui étaient très instructives. On a tendance, dans l'historiographie, on a souvent mentionné dans ce rapprochement sino-américain, bon, qui est le contexte de la diplomatie du ping-pong. On parlait entre autres comme premier symbole, premier geste, le fait que Edgar Snow, tu sais, qui avait écrit Red Star Over China, qui s'était rendu à Yan'an à l'époque de la guerre civile, Tout à fait. Edgar Snow avait été invité sur la tribune d'honneur de la place Tiananmen pour célébrer le 1er octobre en 1970. Mais je pense que c'est important de mentionner que, comme tu le mentionnes dans ton livre, que Du Bois et sa femme étaient sur la tribune d'honneur. C'est des citoyens américains qui étaient sur la tribune d'honneur le 1er octobre 1962 et que ce sont eux les premiers Américains à avoir été honorés. Donc, je trouvais que c'est un point qui était important à rappeler. Petite question que j'aurais sur. Simplement, Karl, excuse-moi de te couper un instant, mais Du Bois en 62, mais notre fameux Robert Williams, hein, dont j'ai parlé brièvement tout à l'heure dans Oui, il ma était là en présentation, 66 aussi. Williams va passer 4 ans en Chine, hein, OK. de 65 à 69, et le 1er octobre 1966, non seulement il assiste aux célébrations depuis la tribune d'honneur aux côtés de tous les officiels, mais il va prononcer un discours. On a Je me un rappelle. million et demi de Chinois Oui. rassemblés place Tiananmen et on a Robert Williams, un militant radical afro-américain, qui prononce un discours dans lequel ben, il fait ce qu'a fait Du Bois déjà en 59 avec son fameux discours China Africa. Petite question qui me chicote par rapport justement à ce renversement. Bon, on comprend le contexte du rapprochement sino-américain, mais est-ce que les Américains ont demandé à la Chine de cesser de s'intéresser à la cause, ou est-ce que tu considères que c'est la Chine qui a d'elle-même renoncé à son intérêt pour le mouvement des droits civiques? Alors, j'aurais tendance à dire les deux. La Chine a renoncé d'elle-même et je pense que la meilleure preuve qu'on a de ça, c'est que on va avoir deux délégations de Black Panthers qui vont se rendre en Chine. Une première dirigée par Eldridge Cleaver en 1970 et la seconde, la plus importante, en octobre 1971, dirigée par Huey Newton, d'accord, qui est l'un des deux fondateurs, mais qui est la figure principale de ce Black Panther Party. Or, il se trouve que le voyage de Newton en 71, qui est un voyage officiel, lorsqu'il débarque à l'aéroport de Beijing, il est reçu directement par Zhou Enlai. C'est Zhou Enlai qui est là pour l'accueillir, Premier ministre, hein, du régime, pour nos auditeurs. Donc, c'est un voyage entre guillemets diplomatique, tout ce qu'il y a de plus officiel. Et ce qui est extrêmement révélateur, c'est que dans le journal que j'étudie, le fameux Peking Review, qui couvre abondamment donc l'actualité de la lutte afro-américaine aux États-Unis, eh bien, ce voyage de Newton est traité par le biais d'un simple petit encart à la fin du journal qui dit bon, ben, une délégation d'afro-américains est arrivée. Donc, on voit que là, c'est le régime chinois qui de lui-même hein, met cette question de côté. Après, ce qui va précéder cette venue de Newton en octobre 71, à l'été 71, Kissinger se rend en Chine pour rencontrer Zhou Enlai, pour préparer finalement la venue de Nixon qui va se faire donc quelques mois plus tard. Et ce qui est intéressant, c'est que là, on a un mémorandum hein, du côté américain qui nous montre qu'en fait, dans cet échange entre Kissinger et Zhou Enlai, on va évoquer directement, explicitement, le cas du Black Panther Party et le cas de Huey Newton, d'accord, pour expliquer que c'est tout de même une épine dans le pied des relations qui sont en train de s'établir ou de cette normalisation des relations qu'on essaie de mettre en place à ce moment-là. Donc, on peut penser que oui, les Américains ont demandé aux Chinois, bon, bah, écoutez, c'est très bien, mais ce soutien à la cause afro-américaine, ça serait intéressant de votre part de l'abandonner, mais le régime chinois de lui-même, encore une fois, dans ça ressort très nettement, c'est que est-ce qu'on a un réel soutien à la cause afro-américaine, ou est-ce que ce soutien sert d'abord et avant tout à servir les intérêts de la Chine et à faire avancer l'agenda chinois? On va terminer sur cette conclusion justement qui nous invite à plonger nous-mêmes là, dans la lecture de ce livre. Je rappelle le livre de Clément Broche, Mao, Panthère noire et Tigre de papier, la Chine communiste et le Black Panther Party, qui a été publié aux presses de l'Université Laval en novembre 2025 dernier. Clément, je vais être obligé de m'arrêter ici, mais il y aura encore beaucoup de questions là, entre autres. Sur le lien avec tes recherches doctorales qui se poursuivent, sur la question des relations entre la Chine et l'Afrique. Il y a beaucoup de questions aussi de ce côté-là. Ça serait peut-être, ce serait avec plaisir, là, si on a l'occasion de s'en reparler au cours des prochains mois. Il y aura d'autres occasions, c'est à espérer. Merci beaucoup pour cette présentation qui est très brève, mais très instructive sur ce livre. Et donc, je te souhaite là, une belle continuation dans tes recherches actuelles et surtout, merci encore là, pour la présentation. Merci beaucoup à toi, Karl, pour l'invitation. Au plaisir. Au revoir. On vient tout juste d'entendre une entrevue réalisée avec Clément Broche et on termine l'émission avec une autre pièce musicale tirée du répertoire des années 1960, interprétée par celui qu'on nomme parfois le Elvis de Singapour. On termine donc l'émission d'aujourd'hui avec cette chanson de Huang Qingyuan, qui est aussi une reprise que vous connaissez très bien, j'en suis certain, et dont je vous laisse même imaginer le titre. Une chanson qui nous invite à prendre une fois pour toutes nos clics puis nos claques. Mon nom est Carl Derry. Je vous dis à la semaine prochaine. Woman, xiāci zài jiān ba. Yeah.